sardines. Il faut qu'on en haut surveille les presqu'îles. Et bien des radons. Des écureuils noirs. La tête hors de l'eau. Les ragondins et les belles d'un soir. Architecture de galère. Et qu'est-ce qu'il y a de visage? Le solaire pédale. Les fleurs dans les nuages. Le sable dans le regard. Pour ce